الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنقرأ إن شاء الله تعالى هذه النصيحة لإمام من أئمة السنة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه نصيحة جميلة لطلبة العلم. Avant de commencer notre nouveau cours في الأصول الستة de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله avec l'explication de شيخ العثيمين, on lit cette نصيحة, ce conseil de شيخ الألباني pour طلبت العلم أي ceux qui étudient هذا العلم النافع. Et الطالب, celui qui a pris ce chemin, et c'est une ni'ma, لأن الله أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Et dans l'autre hadith, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Donc c'est طريق الجنة, et c'est الخير. كل الخير إلى في هذا الطريق العلم النافع العلم الشرعي علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن طالب العلم et celui qui emprunte ce chemin, il a besoin de revenir à أهل العلم لأنهم ils ont l'expérience, لأنهم ce chemin que tu prends الآن et les efforts que tu fais, ils les ont fait avant toi. تستفيد منهم جدا. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut redoubler d'efforts, des choses vaut mieux éviter. Des conseils, min ulama ina, farubbama, un de ces conseils, c'est la cause, bi'idnillahi azza wa jal, que tu avances beaucoup plus, ou que tu comprennes beaucoup plus. Hada c'est muhim. Talibul ilm, da'iman, il est en relation avec ahl al-ilm. Al-ulama, al-nasihoun. الثابتون على الحق. فسئل الإمام الألباني رحمة الله عليه un conseil لطلبة العلم. فقال الشيخ رحمه الله هذا الكلام, هذه النصيحة من سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 100. Donc c'est un audio qu'ils ont recopié de سلسلة الهدى والنور, et c'est des audios نافعة. Ils doivent donner de l'importance à ce genre d'audio de nos savants. Silsila al-Huda wal-Nur, c'est une série d'audio de Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, des jalassades, des conseils, des questions-réponses, des nasaih. Et ta'lamoun, makanatu hada al-imam, fil hadith, fil fiqh, fil sunnah, fal istifadatu minhu, c'est quelque chose de muhim. Qala al-Sheikh rahimahullah, wallahi ma adri. بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحاجة إلى من ينصحها. استفيد de ce كلام التواضع. طالب العلم quand il revient أهل العلم, quand il profite de leur conseil, يستفيد علما وكذلك يستفيد من باب الأدب. فتأملوا هذا الأدب, ce comportement, أنه lui-même il a besoin d'être conseillé. هكذا يقول رحمه الله تعالى تواضع. لكن إذا كان لابد من أقدم لكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله. هذا هو première chose, c'est مفتاح كل خير التقوى, أي adorer الله سبحانه وتعالى sincèrement et s'écarter de ses interdits. C'est ça التقوى, c'est ça امتثال أوامر الله عز وجل. Tout ça bien sûr fondé sur الدليل. On adore Allah Azza wa Jal sincèrement et avec une preuve. Et كذلك, on s'écarte de ces interdits, Jalla wa Ala. C'est ça, taqwa. La première chose pour talib al-ilm, taqwa. Et هذا العلم, ces efforts qu'on fait l'an fait l'ilm, c'est que pour appliquer. Et cette application, c'est ça, taqwa. Donc c'est ça le but. L'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il te montre, awalan, c'est quoi le but. On ne fait pas talib al-ilm pour se rassembler, faqat. On ne fait pas talab al-ilm pour passer du temps, iyadam billah. On ne fait pas talab al-ilm comme ils font ashab al-dunya, ils font des études, et annahum, c'est une passion. Là, on fait, on a pris ce chemin, et notre but, ça doit être ridha Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est important. Les anna, celui qui a cette niya, l'ikhlas, et son but, c'est taqwa Allah Azza wa Jalla, même si il est éprouvé, et il sera éprouvé, voilà, but. Si son but, c'est à taqwa, et il est sincère, et il veut ridha Allah Azza wa Jalla, ça lui fera aucun mal, bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Manque d'argent, il patientera. Il est critiqué, il patientera. Sa famille ne sont pas d'accord, il patientera. Pourquoi? Il a un but. Amma, celui dont le but, c'est d'avoir une place, ou de l'argent, ou min hadhihi al-umur at-tafiha, min umur ad-dunya, si il n'arrive pas à avoir cette chose, rubbama idlis. Et comme min talabat al-ilm, ils ont pris ce chemin et ils n'ont pas réussi à être réguliers. Pourquoi? Il y a un problème fi hada. C'est pour ça que l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, il te commence par l'aham. Ansahukum wa nafsi awwalan bi taqwa Allah. Azza wa Jalla. Il y a tout ce qui va citer après, c'est fondé sur le taqwa. Qala thumma bi ba'd ma yatafarra' min taqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma, il a dit des choses qui vont suivre. Yatafarra' al-furu', c'est des branches. Fata'a asl, c'est taqwa Allah. Thumma, t'as des branches qui vont t'aider dans ce chemin. Enfin, on doit donner de l'importance au asl, à taqwa, en étudiant à tawhid, en faisant des efforts dans l'étude de l'aqida, à sahiha, la sincérité. Et tout ce qui viendra après, si cette base elle est solide, ça sera solide. Si cette base elle est hazila, ça sera hazil. Et si cette base elle est faible, tout ce qui viendra après, ça sera bâti sur de la faiblesse. Alihada qala an-nabiyu صلى الله عليه وسلم إن في المضغة إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. التقوى c'est في القلب et bien sûr c'est des أعمال. لكن si cette base qui est في القلب, la sincérité, l'iman, elle est قوية, ça se verra sur tout le corps. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Ça te montre أن la chose principale et la chose la plus importante, c'est هذا القلب. Travailler ce cœur, travailler cette sincérité, travailler cette taqwa, et inshallah tout ce qui viendra après min aqwal wa a'mal, ça sera fondé sur هذا الحق, et bi'idhnillah ça sera haq. قال لذلك اولا ان تطلب العلم خالصا لوجه الله. Ça c'est la première chose, et bien sûr c'est min at-taqwa, al-ikhlas. قال لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. Attention à ne pas trop belle, à ne pas regarder les gens. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Amla, tu veux être félicité, tu veux être complimenté. Il y en a أكثر الناس الآن, ils sont loin de هذا العلم. أكثر الناس ils comprendront pas pourquoi ils travaillent pas, pourquoi ils font pas telle chose, pourquoi ils font que d'acheter des livres. من هذا الكلام. Fais une étude approfondie de l'ikhlas, demande à Ahl al-Ilm, et quand tu as le chemin, accroche-toi. Accroche-toi. A'adhu alayha bin nawajid, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a démontré à sahaba al-tariq, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa al-rashidin, c'est ça le tariq. Fil ilm ou fi ghayr al-ilm. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre ses compagnons. Et a'immat al-huda, qui les ont suivis. Dès que tu as compris ce tariq, accroche-toi bin nawajid. Nawajid, c'est les molaires. Aïe, ça va être un cramponnement solide. Voilà, tubali, bima qila, wa bima yuqal. Il y en a, les gens, ils ne seront jamais satisfaits. Jamais. Donc, anta, ton but, c'est ridallah azza wa jal. Tu dois être mukhlis. Amma, t'attends des compliments des gens, ou une récompense, ou qu'ils soient satisfaits, ou personne te critique, fahadala. C'est un chemin. Allah subhanahu wa ta'ala yabtali l'ibad, et celui qui patiente, incha'Allah, il réussira. Qala wala mansiban wala wadhifa. Et ça c'est important, kadhalik. Attention de ne pas prendre ce ilm un moyen pour faire de l'argent. Al-hadar. Hadal ilm, c'est din. Dinullah, il est fondé sur hadal ilm. Celui qui espère al-wadhifa, et un emploi, ou de l'argent, ou une place avec هذا العلم, هذا السنية لبابون. لماذا؟ لأن كما نادي هذا العلم سدين الله عز وجل. إلا النية الانتنسيون سدو être pour الله سبحانه وتعالى. الانتنسيون كما قال الإمام أحمد سترفع ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. C'est ça la bonne intention, la sincérité. C'est que tu sois plus ignorant toi et tu fasses des efforts pour montrer aux autres. Tout ça لله عز وجل. Mais celui qui veut une place, si il n'a pas cette place, c'est pour ça que tu trouves Ard al-Nas, ils ont fait des études et ils ont eu des diplômes. Hatta fi al-ulum al-shar'iyya, thumma, quand ils ont eu cette place, c'est un imam, oh, il a telle place dans telle chose, la yatlub al-ilm, il arrête. La hifz, la muraja'a, la tadris, ou la shay. Ça devient comme un employé dans une entreprise. Ça paye et il fait l'imam. Probablement 5 fois par jour, et ça s'arrête là. Pour ouvrir un dars, il faut l'argent. S'il a tel pays pour ouvrir tel dars, il l'ouvre. Il n'y a pas l'argent, là il va le chier. Fahada, en fait, annia n'est pas taïba. Falihada, قال الشيخ الألباني, ولا منصبا ولا وظيفة. Et تأمل حال de cet imam lui-même, rahmatullah alayhi, tous les efforts qu'il a fait. Il n'était pas hawl al-mal. Bel, il a délaissé son emploi. C'était un horloger, rahmatullah alayh. Il a délaissé, quand il arrivait à un certain niveau, il avait besoin de plus de temps, il a délaissé hatta hadha. Wa tafarraga lil ilm, et Allah subhanahu wa ta'ala razaqa. Cheikh l'Albani, il n'a jamais eu de problème pour manger ou pour habiter. Walillahi alhamd. Lakin, il connaissait qadr nafsi. Et il avait une vie mutawadi'a. Et alhamdulillah. Alhamdulillah, il a mangé comme les autres, ils ont mangé. Il a eu un foyer comme les autres, ils ont eu un foyer. Lakin, le ilm qu'il a propagé, nadir à notre époque, quelqu'un qui a propagé l'ilm, kahad al-imam. Il a travaillé al-sunnah et autres, rahmatullah alayhi. Et tout le monde sait, Cheikh al-Albani, hatta ahl al-dhalal. Il revient, l'imam, il a fait un effort dans une chose que les gens, ils ont délaissé. Al-an, les gens, ils sont obligés de revenir à lui. Sahahahu le Cheikh al-Albani, dha'afahu le Cheikh al-Albani. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a. Pourquoi? Li'annahu il a appliqué hada. Il a tlob l'ilm pas pour l'wadifa, pas pour al-mal. Au contraire, il a fait des efforts. Hatta rahmatullah alayh, il s'est écarté de hadhihi ad-dunya. Qala wala mansiban wala wadifa wala tasaddur al-majalis. Kadalik, faire attention à hada. Annahu, je vais avoir tant d'élèves, je vais faire des cours dans tel endroit. Annahu, il veut se montrer faqat. Plus il y a de monde, il est content. Il n'y a pas de monde, Obama, il arrête à dors. Obama, il ne fait plus d'efforts. L'imad, il y a une sannia, c'est par rapport aux gens. Il veut être populaire, il veut être connu. Ah, Satan avec Moussibat, les réseaux sociaux et Internet. Là. S'il a beaucoup de suiveurs, il est nashid. S'il n'a pas beaucoup, il ne fait pas grand-chose. Ça montre un ses efforts et sannia, c'est les gens. قال الشيخ الألباني وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله للعلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. C'est ça le but. Le but c'est رضا الله عز وجل. لأن si tu fais des efforts في العلم et tu deviens un savant بإذن الله عز وجل, tu deviens من أهل العلم. الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يتلبغى. Comme il a élevé l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, et les autres savants de la sunna. Même si les gens ne sont pas d'accord. À ton avis, Anta, est-ce que tout le monde était d'accord avec Cheikh al-Albani quand il était vivant? Abadan. Il a été mis en prison. Il a été insulté. Il a été accusé. Lakin, les efforts et la sincérité, al-an, hatta ahl al-dhalal, comme on a dit, wal-bid'a, wal-inhiraf, ils parlent en bien de Cheikh al-Albani. Li'anna Allah rafa'a. Fais des efforts dans les causes pour être élevé. Fais pas des efforts vers les gens. Les gens, ils peuvent rien te donner. Ils peuvent rien t'enlever. Reviens au asl, al tawhid, taqwallah, al ikhlas, et bi'idnillahi azza wa jal, wa'adullah il est sadiq, yarfa' illahu alladhina amanu, minkum walladhina utul ilma darajat. Qala, wa thaniyan, deuxième point, il va insister, rahimahullah, après avoir cité At-Taqwa wal-Ikhlas, c'est la base. Deuxième conseil, Al-Ibti'ad anil mazaliq allati yaqa'u fiha ba'd tullab al-ilm التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور. Faire attention à هذا. Et ça c'est خطير جدا. Attention à العجب والغرور. العجب والغرور c'est avoir de l'orgueil. Avoir de l'orgueil, croire ou penser être au-dessus des autres. Je parle, j'ai forcément raison. Celui qui me contredit, il est à la khata. Il n'y a que moi qui fais des efforts. Na'oudou billah. Même si lisan al-maqal ne prononce pas hada, fa ba'duhum lisan al-hal. Ils sont à la hada. Il a du kibr envers ses frères, envers les musulmans. Et l'ujb ou l'ghurur binafsih. Annahu il est meilleur, annahu hada al-hadar. Et Cheikh Al-Albani va faire un tafsil jamil. Qala ما يسيطر عليهم العجب والغرور كذلك تأملوا قوله يسيطر عليهم طالب العلم لمحارب من كل جهة خاصة إبليس وجنود إبليس فالشيطان يفعل كل شيء لغاية si c'est pas avec des معاصي clair كالزنا والخمور etc أو délaisse طلب العلم il essaiera de les garer avec les mauvais comportements avec l'inحراف avec البدع tout ça au nom du dit قال العجب والغرور فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يكفي نفسه بل غيره بما بدأ له دون أن يستعين بأهل العلم. Attention à ne pas vouloir tout comprendre tout seul. Montrer aux autres sans revenir à أهل العلم. Faire des déductions, تفسير, ترجيح, sans revenir à أهل العلم. On est des débutants. Wallahi, on est des du'afa fi al-ilm. Celui qui revient à Sirat al-Salaf et revient à Sirat Ahl al-Ilm prend le sujet al-Hifd, faqat, la mémorisation, et compare-toi à ceux qui étaient avant lui. Tu vas comprendre qu'on est des masakir. Donc on n'est pas des références. Référence fil fatwa, référence fil tardi, référence fil jarhi wa ta'dil. Abadan. On revient à Ahl al-Ilm. On revient à Ahl al-Ilm, hatta on s'éduque nous-mêmes et on éduque les autres toujours à revenir à nos références, sans taqlid. Sans taqlid, bien sûr. لأن الحق c'est الحق et الحجة c'est الحجة. لكن cette حجة tu la trouveras عند أهل العلم. Si tu la trouves pas عند هذا الشيخ, tu la trouveras chez un autre. Voilà, بد. لكن délaisser tout ça et au nom de je suis pas un مقلد et je fais tout seul, هذا c'est un autre باب ضلال. لأن بعض الإخوان ربما يركزون beaucoup sur le taqlid et ils oublient les autres maladies. Taqlid c'est une maladie. Et on n'a pas à faire de taqlid. لكن العجب والغرور et vouloir comprendre tout seul et faire les choses toutes seules et ne pas revenir à أهل العلم c'est une autre maladie. فحذر. Il y a plusieurs maladies. طالب العلم il doit faire des efforts, éviter الشرور كلها. Pas qu'une chose. فقط. قال أن يستعين بأهل العلم خاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلفوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على قضاء هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تبديد هذه الظلمات revenir à أهل العلم que ce soit le salaf et ceux qui étaient avant nous ou les savants qui suivent le salaf de nos jours toujours tu poses tes questions toujours tu reviens à eux لأن كم من مسائل Certains talibs, ils pensent, ils croient qu'il a compris, et avec des recherches approfondies, tu vois que le sujet, il lui a pas donné son haq, il lui a pas donné le temps qu'il faut. Donc il arrive à une conclusion, c'est pas le haq. Il serait revenu à ce savant qui a une expérience beaucoup plus grande, il a un ittala' wasi', sauf le kutub, et les choses qu'il a vécues, tu verras que une chose, tu penses que tu l'as comprise, et inda alimin, il te montre, et tu vois que tu n'as pas compris grand chose sur le haqiq. Alors nous on a un dha'f fi l'ittala', fi qira'at al-kutub, fi al-hifz, fi al-fahm. Beaucoup de toutes ces choses on a un dha'f. Enfin pourquoi vouloir faire les choses tout seul? Pourquoi? Attention à l'ujb ou al-ghurur. Et vouloir être une référence. La référence c'est celui qui fait des efforts fi l'ilm et que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé. Nous notre but c'est de suivre le haqq. Tu deviens une référence et un savant, les gens ils reviennent à toi alhamdoulillah et t'es pas un savant, les gens ils reviennent pas à toi, t'es un suiveur, alhamdoulilah, l'essentiel t'es à l'al-haq. Vaut mieux être, comme a dit بعض السلف, un suiveur fil-haq qu'une référence dans le batil. قال الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تبديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة الصحيحة. Donc on fait des efforts à le Coran ou à la Sunna avec la compréhension de Ahl al-Ilm. قال لأني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. Et ça c'est important. Cheikh Al-Albani الآن il va démontrer pourquoi il insiste sur ce point. Et en fait, son conseil ça va être surtout sur ce point. Pourquoi ? لأن à son époque et jusqu'à aujourd'hui, il a vécu أن السنة انتشرت بقوة. السلفية انتشرت. Et tu trouves beaucoup de jeunes, ils sont rentrés ولله الحمد في دين الله et ils font des efforts في العلم. Et avec cet engouement ولله الحمد في الحق, il y a des choses qui sont à revoir. Et c'est ça qu'il va expliquer. قال الأمر الأول حيث كان المسلمين أو كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد وأتباعهم ليس فقط للمذاهب بل للآباء والأجداد. شيخ الألباني الآن يتسيت لكونتكست أن à notre époque beaucoup de gens ils vivent c'est des مقلد خاصة الجهال المساكين تقليد أعمال المذاهب أو تقليد أعمال الآباء والأجداد. Tu le conseilles sur une chose, Robama il te dit mais mon père il a fait, dans notre pays ils font, l'imam Malik il a dit, l'imam Abu Hanifa قال. Ça c'est premièrement. قال عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية هم دائما وأبدا أفرادا أو أفراد هم غرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. شيخ الألباني montre أن dans ce contexte أي التقليد des générations qui ont été éduquées sur هذا أي ils étaient loin de علم كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بفضل الله عز وجل des savants de la Sunna à notre époque ils ont appelé à revenir au texte. منهم شغل الألباني. حتى c'est devenu des غرباء. نعم لأن الناس ils sont habitués à certaines choses. واحد il vient et il leur montre des choses qui sont contraires. Tu délaisses le suivi aveugle et tu reviens au texte. قال شغل الألباني بعد ذلك نختصر. قال عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا يتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المصلين بين صفوف الشباب المسلمين ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية. Ça c'est le fruit de da'wa et ça c'est une ni'ma que chaque salafi, chaque sunni il doit reconnaître. Et une des causes de cette ni'ma بعد الله عز وجل c'est هؤلاء الأئمة الإمام الألباني الإمام ابن باز الإمام ابن عثيمين الإمام مقبل. Chacun dans son pays et autres, wallah alhamd, la ta'wal s'est répandue. Hatta, beaucoup de gens, plutôt beaucoup de jeunes, ils sont rentrés fi sunnah. قال وفي كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لامسناها في السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء. Donc, Cheikh Al-Albani, يقول رحمه الله, il a été très content, bien sûr, que beaucoup de jeunes y rentrent fi din et que كثير من هؤلاء المقلدة كذلك ils sont revenus إلى الحق. لكن قال بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة وما سبب ذلك. ثم avec le temps une partie de ces jeunes qui aiment le Coran, qui aiment la Sunna, qui aiment l'istiqama, eux-mêmes ils font du mal à cette da'wa. Pourquoi ? C'est quoi le sabab ? قال رحمه الله وهنا العبرة والنصيحة. C'est sur ce point qu'il veut insister. Et c'est ce point que nous, on a besoin, ayyuha al-ikhwa. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. C'est pas que tu aimes le haq, que forcément tu vas suivre le haq. Aimer une chose et la suivre, c'est deux choses différentes. T'aimes, lakin tu dois apprendre comment suivre. Tu dois apprendre le comportement. Tu dois apprendre al-tariq. لأن كما سيأتي من كلام شغل الألباني أن البعض c'est un sunni, walillahi alhamd, c'est un salafi, et qu'annahu il se permet des choses. Là, t'es un sunni, enfin t'es une personne qui doit encore suivre plus. Il y en a, tu sais. Et mettre les passions de côté, mettre le jahl de côté, revenir à ahl al-ilm. قال رحمه الله وهنا العبرة والنصيحة إما لأنه أصابهم العجب la cause c'est هذا العجب والغرور تعلمون أن ce qu'on reprochait beaucoup aux personnes âgées العوام أي التقليد pourtant بعضهم يقلد أو يبخطن faire du تقليد à أئمة كبار كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل etc. Ce qu'on reprochait, ceux qui reprochaient l'un, ils font exactement la même chose. Taqlid. Tu lui cites un dalil wadih. Tu lui cites sunnah wadiha. Avec kalam ahl al-ilm, Obama il te répond, mais Cheikh Fulan il a dit. Exactement ce qu'il faisait ce vieux dont tu, Obama tu te moquais ou tu lui reprochais. Enfin, pourquoi pour le vieux c'est interdit de taqlid et pour nous ça serait autorisé? Limada. Ou l'ujb, et nous on a toujours raison et les vieux ils ont forcément tort. Là, on doit se comporter avec un comportement qui est fondé sur le kitab ou le sunna. Al-taqlid c'est haram pour tout le monde. Al-ujb ou al-ghurur c'est haram pour tout le monde. Les mauvais comportements c'est haram pour tout le monde. Et le haq, c'est wajib que tout le monde le suive. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il dit « Imma li annahum asabahum al-ujb wa asabahum al-ghurur bi sabab ma tabayyana lahum » أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح. Attention à ce point. لأن au départ, quand tu vas rentrer في دين الله في الاستقامة في طلب العلم, tu vas voir que العلم c'est très simple. علم الكتاب والسنة عند أهل العلم في الحقيقة c'est très simple. Surtout les bases. Tu vas apprendre ولله الحمد beaucoup de choses très vite. Tu vas apprendre des مسائل في التوحيد, tu vas apprendre des مسائل في الصلاة, في الفقه, tu vas apprendre des مسائل في العقيدة. Tu vas t'apercevoir très vite que beaucoup de gens, même qui prétendent qu'ils sont à l'ilm, que ce soit des imams, des mosquées, des professeurs ou autres, c'est des juhal. Si tu ne fais pas attention à cette étape, à tawadu, et tu fais attention à l'ghurur, Rabbana shaitan il te gonfle. Tu crois que tu es à la shaykh. Tu vois que tu as des connaissances dans certains points, et ceux autour de toi, tes parents, tes proches, l'imam de la mosquée, Rabbana des professeurs, Rabbana ils sont ba'id, jiddan. Ce point, Cheikh Al-Albani, démontre à certains jeunes, Shaitan, il est rentré dans cet album, ils ont eu du ghurur. Les malades, ils ont pensé, et Shaitan les a gonflés, ils savent et les autres, ils ne savent pas. Dit Cheikh Al-Albani, تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهرة الشباب المسلم الضائع. Ils se sont aperçus que الشباب الضائع, les jeunes qui sont العياد بالله خلف الشهوات, etc., ils n'ont pas de connaissances. Lakin kadhalik qala bal hatta bayna kathir min shuyukh al-ilm. Il y en a ba'dhum dans certains endroits, robama c'est un cheikh et c'est une référence, c'est un imam d'une mosquée, etc. Lakin c'est un jahil. Robama tu le vois faire salat, tu comprends qu'il n'est pas à l'ilm. Et tu l'entends parler dans sa khutbah ou sa muhadara, tu t'aperçois qu'il n'est pas à l'ilm. C'est un jahil lakin qui a été élevé par d'autres juhal. Ce frère l'un qui a des connaissances, il va s'apercevoir très vite que ce cheikh il n'a pas d'ilm. Et que lui, Obama, il a plus de connaissances. Attention à l'ghurur. Attention que le shaitan ne te gonfle pas. Regarde toujours ceux qui sont au-dessus de toi fil ilm. Regarde pas le juhal. Et avec le juhal, Obama, tu vas penser que tu as un statut de savant, de cheikh, de référence. Là, regarde toujours ceux qui sont au-dessus de toi. Et fi dunya na'am, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Tu as des difficultés, regarde. Et médite, certains ils ont des difficultés beaucoup plus grandes que les tiennes. Et on avait détaillé ce point, walillahi alhamd, dans la risala de Cheikh Saadi sur As-Sa'ada. قال حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح. أنت, quand tu vois des personnes autour de toi, c'est des juhal, ils sont fait inhiraf. Là, t'affrache. Ne sois pas heureux de leur égarement. Léana, ça va te pousser à l'orgueil. Belle, ça doit te pousser au shukr. Shukurillahi azza wa jalla. Ne crois pas que c'est ton intelligence, tes efforts. C'est fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala. Fashkurillah. Et ça va te pousser à être triste pour haoula et tu leur voudras leur bien. Tu leur montres. Tu leur montres. Bihaq, celui qui accepte. Alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, il fait du mal qu'à lui-même. قال فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم الى هذا العلم الصحيح بل اغتروا واشتدوا. N'oublie pas, akhi al-karim, quand tu étais débutant ou ربما tu étais pas على السنه على الاستقامه et t'aimais bien que les gens ils aient de la douceur envers toi. N'oublie pas هذا. N'oublie pas au départ quand tu avais des difficultés, tu connaissais rien et tu as trouvé واحد qui te montre برفق. N'oublie pas هذا. فانت tu dois être un miftah للخير pour هؤلاء. Tu ne dois pas leur rajouter des difficultés sur leurs difficultés. Tout ça, bien sûr, pas de complaisance, fidinillahi azza wa jal. Al-haq, c'est al-haq. Lakin la méthode. قال الشيخ الألباني وظنوا أنهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير القائمة على التفقه في الكتاب والسنة. Vu que Shaitan est ouvert ce bain, il pense qu'il sait qu'il a atteint un certain niveau. ربما فتاوى. ربما نقاش ربما جدال كما نلوى الان من البعض dans les réseaux sociaux. Il a appris quelques مسائل انه il faut pas faire de taqlid, انه il faut suivre le haq. Alhamdulillah, continue ya akhi, t'es qu'au début. Et ربما des fatawa الان sur les réseaux sociaux ou des nasaih, lui-même الان il conseille, il donne des dorous alors qu'il a pas la capacité. Si tu viens analyser ses aqwal, tu vas le taqad dans plusieurs points. Ya akhi, pourquoi tu dis telle chose, pourquoi tu fais telle chose. Et ربما ça fait la division. Pourquoi? لأن هذا الأخ il est plus à sa place. Il aurait côtoyé العلماء وطلبة العلم, il saurait que c'est un débutant et sa place c'est la place des débutants. أي الجلوس عند أهل العلم. Et s'il peut faire الرحلة, il voyage عند أهل العلم. Il se consacre au حفظ. Et il n'aura pas le temps de parler avec un tel et un tel. أما toute la journée derrière son clavier et les fatwas. هذه c'est pas la place de طلبة العلم المبتدئين. Là, on ouvre une porte de charlatan. Au lieu de conseiller les gens de revenir à Ahlul Ilm et de faire des efforts, cette personne elle-même, ça devient une référence. Et c'est ça que Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il avait remarqué à son époque. Il n'a pas connu, rahimahullah, Internet, les réseaux sociaux, toute cette fawda. Il n'a pas connu huwa hada. C'était à son époque. Al-An, al-Shar, il est akthar. Al-Fitna, elle est akbar. Qala, bel, hiya, innama ara ghayra nadija. ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة. Donc, ce débutant, ce frère, ce talib ilm qui n'est pas apte, ربما il pense qu'il a le haq, il pense qu'il a des adillah, في الحقيقة il donne son avis. Si tu viens à détailler, à chercher, tu trouveras que ربما ce hadith qu'il a cité le ضعيف. ربما ce hadith, si c'est des hadith, أما الآن on vit dans une époque, la hadith ou la shay, beaucoup, je parle de beaucoup. Lakin, ceux qui ربما, ils s'efforcent à citer des hadiths, ربما ils ne sont pas à leur place. ربما le hadith il est sahih, il n'est pas à sa place. Et ça fait des fitaines. Comme de plaintes on reçoit l'an. Comme, Fulan il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Thumma tu cherches, c'est ba'id jiddan. Ou il parle au nom d'un savant. Il parle au nom d'un savant, et hada c'est khatir. Là, nous on doit s'habituer à da'iman rabt al-shabab bil-ulama. Sans taqli. Lakin, comment tu vas apprendre le kitab ou le sunnah? Comment tu vas apprendre? Illa bi wasita tahlil ilm. Amma, je ne fais pas de taqlid, je suis derrière mon PC toute la journée et j'avance tout seul. Hada c'est le jahl. Hada c'est le jahl. L'imam Ahmed, il a pris l'ilm de qui? De l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il a pris l'ilm de qui? De l'imam Malik. L'imam Malik, il a pris l'ilm de qui? De l'imam Zuhri. Etc. L'imam Zuhri, il a pris de qui? De kibar al-tabi'in. Et de certains compagnons. Les compagnons, ils ont pris de qui? De Rasoul. C'est ça tariqat. Ahl al-ilm. Amma, je suis tout seul, j'ai un ou deux livres, j'ai mon PC et je ne suis pas un muqallid. Ça c'est tariq al-juhal wa tariq al-zaya'. Qala fadallu wa adallu kathiran. Le résultat, le fruit, ils se sont égarés et ils égarent les autres. Alors qu'à la base ils sont à la sunna et ils aiment sunna. Lakin la méthode. Qala wa laysa yakhfa alaykum mashahid min athar wujud جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة. بعضهم tellement qui se sont isolés, حتى الآن ils ont des أفكار. Ils sont tombés والعياذ بالله dans le تكفير. فلان سان كافر, فلان سان كافر. Tout ça, c'est quoi? C'est les conséquences de ce que Cheikh Al-Albani cite. الآن بعضهم ربما un imam, une chose il dit, c'est un mourdi. Bardhom, ils accusent l'imam al-Albani. Et là, khalas, il a compris, il a lu une fatwa d'un imam, un dalil, et le khalif, c'est un mourdi. Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Imam min a'immat al-sunna. L'imam d'Ali, un homme, ils ne comprennent pas. Pourquoi Cheikh ibn Baz, Cheikh Muqbil, Cheikh ibn Uthaymi, a'immat al-asr, les trois, ils leur demandent sur Cheikh al-Albani, ils disent tous, c'est un imam de la sunna. Tu trouves Wahed, il vient tout simplement derrière son PC, c'est un mourdi, je prends plus de lui. Il a conclu en deux minutes un travail de 50-60 ans de Cheikh al-Albani. Il fait une conclusion derrière son PC, c'est un mourdi. Regarde Cheikh al-Albani, le niveau qu'il a atteint, et regarde Uqtel. Talib al-ilm, il doit toujours se remettre à sa place. Toujours. Amma yata'an fi a'imma kibar, hadha c'est wal'ayadu billah min al-jahl. Qala wa nahnu naqul al-an kalima. من باب النصيحة والتذكير لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم الصبر على طلب العلم et c'est ça نحن نستفيد من هذا والله ceux qui perdent leur temps dans les réseaux sociaux dans les salons dans un tel il a dit لأنهم ils n'arrivent pas à patienter في طلب العلم prends المصحف dès que tu te réveilles le matin ouvre-le احفظ tu verras que tu n'auras pas le temps d'ouvrir les réseaux sociaux tu n'auras pas le temps Dès que tu auras fait le Coran, après tu as une révision. Après la révision, tu as un cours. Après le cours, tu as une autre révision. Et tu verras que tu n'as pas le temps. Tu le vois toute la journée dans les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas le temps de faire l'ilm. Pourquoi tu n'as pas le temps de faire l'ilm? Tu as du temps de faire l'haqiqa. Tu n'aurais pas de temps, tu n'aurais pas de temps pour les réseaux sociaux. Pourquoi il a du temps? Les anahou, ils ne patientent pas. C'est beaucoup plus facile de cliquer et de taper sur un clavier que de al-julouz, inda ahl al-ilm, voyager et ouvrir les kutub. Et l'hiv. C'est beaucoup plus difficile. Wallah al-musta'an. Qala an yasbiru ala talab al-ilm wa an la yaghtaru bima janu min al-ilm. Même si Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes et tu commences à apprendre, la taghtar bi nafsik. Wallahi, on n'est rien par rapport à Immat al-Salaf. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi rapporte, il a hafad 1 million de hadith. Al-akhar, il a écrit des livres de 30 mujallad. Al-akhar, il a voyagé pour un hadith. Des mois que pour un hadith. Al-akhar, il fait qiyam al-layl avec le Coran entier dans une nuit. Compare-toi à haoula. Tu verras qu'on n'est pas grand-chose. Tu te compares à un jahl qui ne connaît rien. Là, chaque shaitan, il va te gonfler. Qala, innama yutaba'una ou yutaba'una al-tariq wa la ya'tamidun ala mujarrad afhamihim ou ma yusammunahu bi-ijtihadatihim. Talib al-ilm, il ouvre pas le bab hada. Al-mujtahidun, c'est ahl al-ilm. Talib al-ilm, c'est un talib al-ilm. Ça veut pas dire qu'il qallad, lakin il revient ahl al-ilm. Thumma, walillahi al-hamd, il regarde si c'est haq, si c'est pas haq. Et al-mu'amala, les kun. Qal, wa innama sami'tu al-kathir min ikhwanina, limada. Yaqul lak, bi kulli basata, bi kulli la mubala, lakin ajhadtu ana, ay ijtahadtu ana. طيب على ماذا اعتمدت من العلم ما هي الاحاديث التي لجا اليها فسي الشيخ الالباني كي بوز دي كيزيون بعضهم الان الى في اون ريشيرش او ان اجتهاد الشيخ الالباني رحمه الله عليه اي بوز دي كيزيون الان اي سون فوندي سور كوا سي ريشيرش است كو تا لو نيفو است كو تا لي كومبيتونس است كو تا ان علم في الحديث في الفقه pour comprendre tout ça او tu rentres dans une chose et tu as aucune compétence tu feras beaucoup plus de mal que de bien قال ما هي المفاهيم التي فهمتها من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الافهام التي تصرح بها et ça c'est des questions qu'on doit tous se poser est-ce que j'ai un dalil est-ce que le dalil est sahih est-ce que le dalil est à sa place est-ce que ce qawl que je prétends un savant il m'a précédé لان si tu dis un qawl que aucun savant t'a précédé c'est un bab dhalal لان tu peux pas apporter un haq aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant لان le haq il a toujours été انتبهوا لهذا Ne vous mettez pas une responsabilité qui n'est pas la vôtre. C'est ça le nasiha qui veut faire Cheikh al-Albani là. Personne ne t'a donné cette responsabilité de guider les gens, de montrer personne. Fais des efforts sur toi-même, awalan. Comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu m'as montré aux proches. Tu m'as fait des efforts. Et avec le temps, in fatah Allahu alayk, ça viendra tout seul, tu feras tu khayr. Amma l'an, ils ont ouvert un bab shar avec ces réseaux sociaux. Allah, il y a un bab shar azim. Azim, il n'a rien à faire. Et il aime le khayr, il veut faire du khayr derrière son clavier et shaitan il lui ouvre les portes. Qala la shay, Cheikh al-Albani, il démontre anna ba'dahum la shay de tout ça. Siwa huwa bada lahu aw sa'a na'am, siwa huwa bada lahu hadha al-fahm fa huwa as-sawab. Si il a compris ce fait, forcément, c'est que c'est juste. Ça, c'est khatir. Là, al-mizan, c'est le kitab ou le sunna. Kadalik, si Shir Fulan il a dit, c'est que c'est forcément haq. Kadalik, c'est khatir. Lianna, rubama Allah, il t'éprouve avec l'erreur d'un savant. Ou ton erreur toi-même, tu t'entêtes et tu t'égares. Comme ils se sont égarés ceux qui suivent les madahib aveuglément. La même chose. قال هذا سببه في اعتقاده هو العجب والغرور. C'est vrai. C'est ça le sebeb. العجب والغرور. Le shaitan, il le gonfle. Et il aime sa propre personne. Il pense qu'il est à l'haq. Il pense qu'il ne peut pas se tromper. Et ربما il s'égare. Attention à الجدال مع أهل الأهواء. لأن celui qui est malade, il a du عجب والغرور. Et يجادل أهل الأهواء. Bien sûr, il n'a pas de علم. فهذا ربما صاحب الهواء ربما il lui montre un hadith. Et c'est haq. Rubama, il le rejette. Tout ça pour pas dire que celui avec qui il fait le jidal, il a raison. Et c'est grave si cette personne elle rejette un hadith sahih. Fahdhar min hada. On délaisse le jidal ma ahli al-ahwa. On délaisse tous ces réseaux sociaux, toutes ces choses futiles. Et on se consacre au asl. Il y en a parmi les ikhwans, ils veulent du khayr. Ils veulent faire le da'wa. Lakin ya akhi, si, walillahi alhamd, il y a des personnes qui font da'wah avec ces réseaux, min al-ulama, min talabat al-ilm, ça suffit, ya akhi. Est-ce qu'on a besoin tous d'ouvrir un compte et on fait des copier-coller, tous les uns sur les autres? Est-ce qu'il y a une haja? Il n'y a aucune haja. Ya akhi, démontre al-asl. Tel compte, walillahi alhamd, il propage les paroles des savants de la sunnah, il propage des audios, tu montres. Et il suffit, si quelqu'un te demande, alhamdulillah, je connais ce compte, ils sont à la sunnah. Yakfi. Amma, 10 comptes. Des copier-coller et à côté des copier-coller, al-jidal. Al-jidal, ou al-niqash. Et on salit l'image de la da'wah. Les nabards al-juhal, ils font des comparaisons. Ah, il est avec un tel. Alors qu'un tel, il est al-haq. Et al-akhir, il se permet des choses. Insultes, mauvais comportements, des choses qui ne sont pas à leur place. Ils salit l'image de la da'wah. C'est qui le gagnant? Shaitan. On laisse les choses propres. On laisse les choses propres. C'est comme dans une ville. T'es dans une ville, un savant, il a des doros, walillahi alhamd. Et il fait des doros et il démontre aux gens. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir 50 doros avec le savant? Celui qui fait des doros, on lui dit va vers le shir. Bien sûr, s'il comprend, etc. Et nous, on propage, on aide, on démontre aux gens. Si tu veux du ilm, vers le shir. Et on propage le ilm du shir. Alhamdulillah. Comme c'était à l'époque de Salaf. Hatta ba'dahum kana yaqul fi zaman l'imam Malik la yafti ahadun wa malikun fil madina. Hakada ils étaient. Personne ne fait le fatwa quand Malik il est fil madina. لماذا لأنه c'était la référence. Sans taqlid. Lakin les choses à leur place. Amma, dans la même ville, 50 muftis, ça divise tout le monde. Bien sûr, si c'est des muftis, ils n'ont pas la compétence. Si c'est des muftis, wallahi alhamd, ils ont la compétence. Ni'ma, nour ala nour. Lakin, nous, on parle les choses qui ne sont pas à leur place. Et c'est ce zaman qu'on vit. Amma, Cheikh Al-Albani, il n'a pas vu ce qui se passe à cette époque. Lakin, les problèmes et les mots, c'est les mêmes. Al-ujb, wal-ghurur, wal-jahl. C'est ça, les problèmes. Qala. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا ظهرت في بعض المؤلفات فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث كذلك se précipiter à écrire des livres à donner كذلك à notre époque à donner des doros. Cheikh Al-Albani démontre à بعضهم ils détestent le hadith الآن ils écrivent dans le hadith. Pourquoi? قال لماذا اللي يقال إنه ألف في علم الحديث. Que pour dire il fait. كذلك certains c'est pour l'argent. قال ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك وألف منه كتابا. Est-ce qu'il y a une haja pour هذا? Et on le voit à notre époque. On le voit. Il prend des copier-coller. Cheikh Fulan l'a dit, un tel il a dit, un tel il a dit, et un livre. Est-ce qu'il y a une haja? Il n'y a pas une grande haja. Il n'y a pas une grande haja, liana, al-ulama, ils ont fait cet effort, et alhamdulillah, al-haq, il est wadih dans cette masala. Lakin, si l'intention, c'est de dire, j'ai écrit un livre, et mon nom, il est propagé, hada, c'est khatir. Hada, c'est l'ujb ou l'ghurur. Qala, rahimahullah, wa hunak, wa allafa minhu kitaban, hada man ba'ith alayhi hubb al-zuhur, wa sadaqa man qal, hubb al-zuhur, yaqta' al-zuhur. Hubb al-zuhur, ay, il veut se faire connaître. Notre dîn ne s'est pas fondé sur ça. Vous avez remarqué que le système des koufars s'est fondé sur hada, hubb al-zuhur. Tout le système des stars, des sportifs, des chanteurs, la télévision, les médias, c'est que ça, hubb al-zuhur. Absolument, ils font tout pour se faire remarquer. Notre dîn, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Les anahoum, eux, ils ont des objectifs. argent, popularité, etc. Nous, on a un objectif, c'est rire d'Allah. Et tu n'as pas besoin de faire des efforts pour te montrer Allah, il te voit. Donc, starih. Fais des efforts, fi al-muhim. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, y'allam kulli shay. Tous les efforts que tu fais, fi l'ilm, Allah, subhanahu wa ta'ala, y'allam. قال لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل ثانيا الاستمرار في طلب العلم شيخ الألباني رحمة الله عليه ce conseil qui t'a cité c'est pour pas que tu abandonnes العلم لأن si tu t'engages dans la دعوة alors que t'as pas les capacités et trop tôt tu pourras plus faire tes efforts في العلم. Un tel il va te demander, un tel il voudra telle chose. Et Robama dit fitan, Fulan il a dit, il n'a pas dit, et ça, tu n'as plus de force. Et on le voit, Hada. Ba'd al-Juhal, ils sont entrés fi da'wa, al-an, ils ont fini. Wahad, wal'ayadu billah, il s'est rasé, Wahad l'a habillé comme des kuffars, Wahad il veut se déradicaliser, Wahad il a fini à l'université, inda al-kuffar. Wahakada. Les mains, ils sont entrés dans une chose, ils n'ont pas les épaules. Hubb al-Zuhur, le résultat, al-an, comme a dit le Cheikh al-Albani. حب الظهور قال يقطع الظهور قال وثالثا أن يبتعد عن كل خلق ليس إسلاما ومن ذلك لا يغتر بما أوتوا من علم وأن لا يغلبهم العجب وأن ينصح الناس بالتي هي أحسن دونك لا تغتر بنفسك. Tu connais plus qu'un tel, i'lam qu'un autre il connaît plus que toi. Est-ce que tu voudrais que celui qui connaît plus que toi il ait un mauvais comportement envers toi? Tu voudrais pas هذا فانت كذلك خاصة si c'est des juhad مساكين كم من الجهال يزام الحق لكن personne leur a montré ou d'une mauvaise manière فانت برفق بالتي هي احسن قال ويبتعد عن الاساليب القاسيه والشديده. Ne pense pas اخي الكريم que tout le monde connaît ce que tu connais. Ne pense pas que tout le monde a eu le même cheminement que le tien. ربما انت on t'a montré le haq, ربما هذا مسكين il a eu une mauvaise expérience. Il pense que Ahl al-Sunnah, ils sont kada. Il a une mauvaise expérience avec un. Fa'anta montre-lui billati hiya ahsan. Et avec le haq, annahu billati hiya ahsan, ça ne veut pas dire en délaissant le haq, là. Lakin, tu lui montres le haq, bi uslub jayyid. قال لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس. Et ça on doit bien le comprendre. Crois pas que tout le monde ils peuvent appliquer ce que t'appliques toi. Al-haq c'est ثقيل على الناس. فنحن الآن en tant que طلبة العلم, en tant que des personnes où on essaye de faire الدعوة, on doit tout faire pour faciliter. Il y en a, c'est taqil. Khasatan, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes voisins. Tout ça, ils ont un haq alay. Fa anta, tu fais tout pour leur montrer ce haq de la façon la plus simple. Wa tasbir alayhim. Enfin, tu veux que tout le monde applique ce que tu fais, toi ou comme toi. Voilà, les personnes, elles sont différentes. Fi l'iman, wa fi l'fahm, etc. قال ثقيل على النفوس البشرية ولذلك هي تستكنف عن قبولها إلا ما شاء الله فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية فعذر آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة كان ذلك تنفيرا للناس. الحق لمام الثقيل. بعض الناس مثلا du jour au lendemain tu lui dis les photos c'est haram, c'est ثقيل pour lui. Ça veut pas dire que tu dois pas lui dire, tu lui montres les photos c'est haram, bien sûr biladilla, bien sûr billati hiya ahsan, ça va être lourd pour lui. Non, ça fait des années ils sont dans ce système. Si on rajoute avec hada thiqal que le haq lui-même c'est pas simple pour cette personne, si tu rajoutes la mauvaise méthode, ben, c'est encore plus difficile. Qala kana dhalika tanfiran lin nas 'an ad-da'wa badalan min an nad'uhum ilayha. Donc ce da'i lui-même, ça devient la cause d'écarter les gens au lieu de les rapprocher. قال وقد تعلمون جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين وإن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين. Et dans l'autre hadith, بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. Ça c'est نصائح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc on doit avoir un comportement, on doit avoir une méthodologie, on doit revenir à أهل العلم. On doit rester à notre place. On doit faire des efforts fil ilm. On doit faire des efforts fil talab. Lianna hada al-bab, kama taqaddam, avec ce nouveau système là, les médias, les réseaux sociaux, ça a ouvert la porte à tout le monde. À l'époque, ta'lamoun, on a pour faire ta'wa, c'était le masajid. Beaucoup pour faire ta'wa, c'était khutbat al-jumu'ah et le masajid. Donc, beaucoup de personnes, ils n'avaient pas le niveau, ils n'osaient pas. Maintenant qu'ils ont ouvert ce bab avec les réseaux sociaux, fakatir minan nas, ils s'autorisent des choses, ils n'ont pas la capacité. Tam al-khayr, appelle au khayr. Si tam al-khayr, tu n'appelles pas ce que toi tu veux, là, appelle au khayr. Al-khayr il est ma'rouf, kitab ou sunnah, ala fahm al-salaf, tout ça en revenant à ahl al-ilm. Au lieu de perdre notre temps, et niqash, et jidal, tu veux al-khayr à quelqu'un, offre-lui un livre. Offre-lui un dors. Donne-lui l'adresse d'un site tayyib. Et kafa. Alhamdulillah, il veut le haq, il va le prendre comme toi tu l'as pris. Ta'wa, elle a des shurut, ta'wa. C'est pas simple. Sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Qala Cheikh al-Albani wa khitaman. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة ونستغفر الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمه الله نصيحة جميلة فنحن في des efforts dans nos durous on se consacre au hifz ولله الحمد on avance dans les durous et dans le hifz et on continue al-muraja'a et on se base sur l'essentiel et on fait da'wa billati hiya ahsan avec le haq comme on peut et on revient à ahl al-ilm. On revient à ahl al-ilm. Quand on a un problème, quand on a une question, on n'ouvre pas la porte à tout le monde. Une question, le premier frère qui vient, tu lui poses. Oh, sur internet, la tadri man hu, et tu poses. Thumma t'as des doutes. C'est pas ça tariq al-ilm. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالسؤال سأل أهل الذكر سبا tout le monde هذا c'est مهم هذه c'est une نصيحة لنفسي ولإخواني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين